Même si tu m'accuses de toute ta froideur, même si tu dis que mon amour est illusion, même si tu cries que cette douleur est mienne, ton âme malheureuse révèle ta trahison. Coupable d'abandonner tes vrais désirs, de fuir celui qui fut ton feu vivant, de blesser celui qui ravive ta foi en Dieu, de renoncer à l'amour par amour du néant. Tu tournes mes vers en parodie cruelle, les visions de prophètes que je t'ai confiées, et je ne puis que prier le ciel de châtier ceux qui me blâmèrent d'avoir su t'aimer. Je garde les étoiles qui nous couronnaient, toutes celles qu'il aimait. J'étais la passion d'un homme épris de ta beauté, à la lueur d'un réverbère, rupine à Philadelphie, sous la neige battant joyeusement nos vitres, l'étreinte la plus douce, celle qui ne reviendra plus. Et tu te souviendras quand un autre amour te brûlera.